en harmonie. La FM en couleur. En couleur. Arc-en-ciel, il est très exactement 13h03 et 28 secondes, c'est précis. Madame, monsieur, bonjour, rebonjour. Depuis un certain temps, la radio était un peu muette. On diffusait les émissions de RDP International. Et on est revenu. Pour combien de temps? On ne sait pas. Je rappelle les horaires de l'émission d'accordéon et cocktail coloré. Émission d'accordéon le dimanche de 13h à 15h30 et cocktail coloré le lundi de 14h à 16h. Je vous souhaite d'ores et déjà un bon après-midi à notre écoute et on va démarrer tout de suite avec les Alpes parce qu'il paraît qu'il y a de la neige là-bas. Il y en a pas à Orléans, c'est aussi bien d'ailleurs. Et voici donc la musette dans les Alpes. Ah, petit problème avec les Alpes. Que se passe-t-il? On démarre mal la nouvelle saison, si j'ose dire. Bon, on va nettoyer ça, on va voir ça tout de suite. Je vais vous proposer, en attendant, le dernier album que j'ai reçu, voilà, 3 jours, je crois, de notre ami Roland Pesard de Bourges. Roland Pesard a sorti un album qui s'intitule « Air de Paris et chansons françaises ». Et on démarre tout de suite avec ça, c'est Paris, une marche, Roland Pesard. Amant de Saint-Jean, toujours Roland Pesard. Bizarre, on va peut-être s'arrêter, hein. On va passer l'après-midi avec toi. Voilà. Et on va retourner dans les Alpes. Peut-être que ça ira mieux maintenant. Et on va essayer. On continue avec les Alpes et ce sera le petit prince des cheminées. Quand elle est arrivée de Norvège au pays, elle était des étoiles des neiges, la plus jolie, envoûtée par tous ses sortilèges. Un jeune et beau garçon pris au piège, tout tremblant lui dit: un bonheur, je suis un vrai bonheur, un petit savoyard en cœur. Je ne possède pas de fortune, je dors sous la lune. Mais si vous voulez ma douce amie, partagez ma vie. Chaque jour, pour elle, il a quitté sa montagne, sa vallée. On dit qu'il a suivi sa compagne sans un regret. Là-bas, dans son pays de cocagne, il s'est marié. Et quand ses souvenirs l'accompagnent, on Ramoneur, je suis un ramoneur, un petit savoyard au grand cœur. Je ne possède pas de fortune, je dors sous la lune. Et si vous voulez ma douce amie, partagez ma vie. Je promets de vous aimer toujours, plus fort chaque jour. Et on va va écouter maintenant, on reviendra dans les Alpes tout à l'heure, on va écouter Roland Pesard à nouveau, cet extrait de notre album qui vient de sortir et qui s'appelle Air de Paris et chansons françaises. On écoute l'hymne à l'amour, évidemment, Edith Piaf, si j'ose dire. À la pendule de Radio Arc-en-Ciel, on écoute maintenant le troubadour, d'Auvergne, bien sûr, et vous l'avez reconnu, enfin vous allez le reconnaître, notre ami Jean Séguerel, là. Malheureusement, il nous a quittés voici quelques années. Jean Séguerel, et ce sera les coiffes blanches. jeunet qui dort nos campagnes. Autant d'autrefois, on voyait des bonnets tout blancs, j'en garde encore l'image. Coiffe de chez nous, aux atours si charmants, les belles coiffes blanches que portaient nos grands-mamans pour danser le dimanche quand elles avaient 20 ans. Portez, fillettes, au printemps une fois l'an, les coiffes si coquettes que portaient nos grands-mamans. Portez, fillettes, au printemps une fois l'an, les coiffes si coquettes que portaient nos grands-mamans. Donc encore dans les Alpes. Et on continue toujours avec Roland Pesard, pourquoi pas, un petit peu d'accordéon. Et Roland Pesard va nous interpréter maintenant. Je cherche ce qu'on m'a demandé. Pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop. sous les ponts de Paris, tout simplement, tout bêtement, de la part de Simone, pour tous ses amis de l'accordéon, pour Mamie Geneviève et pour l'animateur. Merci Simone, et bon après-midi à vous, à l'écoute d'Arc-en-Ciel. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas entendu, Arc-en-Ciel, mais voilà, ça revient. Sous les ponts de Paris, et c'est Roland Pesard. Ce sera Étienne de Normandie. On revient dans le Berry sud de l'Indre. Oui, parce que le Berry concerne deux départements, le Cher et l'Indre. Le bal des chasseurs, Étienne de Normandie. chasse. Ne vous y trompez surtout pas. Ne prenez pas pour les bécasses les filles qui vous tombent dans les bras. C'était donc Étienne de Normandie, le bal des chasseurs. Une dédicace est de la part de Paulette de Fleury pour une autre Paulette, pour son mari Roger. Une valse interprétée par Albert Hembel, La fête du Musette. Puisque la vie est belle sur Arc-en-Ciel, on va écouter toujours de l'accordéon, La Bougnette par Virginie Pouget. Dans quelques petites secondes. Virginie Pouget et fait la sieste. Ben, fait la sieste. Bon, alors, on va patienter. On aura peut-être la chance de l'écouter un jour. Voilà, Virginie Pouget. Écoute une valse maintenant avec René Grolier et ça s'intitule Musette en croisière de la part de Mamie Geneviève pour Simone et pour l'animateur. Merci. Et reste bien au chaud parce que dehors il fait pas tellement chaud. Il y avait un beau soleil ce matin qui a disparu d'un seul coup sans prévenir. Qu'est-ce qu'il est incorrect ce gars-là? Voici donc René Grolier. écoute maintenant le troubadour, comme je l'ai appelé tout à l'heure, d'ailleurs c'est comme ça qu'on l'appelait, le troubadour Jean Segurel, et ce sera « Ô Maria ». Un passe-à-double par notre ami René Grolier. continue avec le Paso Doble et Albert Hembel. Et Albert Hembel nous interprète El Magico. Pas, on y arrive, on est là. René Grolier, on revient à lui. Et René Grolier, ce sera Rengaine Gitane. Rengaine Gitane, René Grolier.

Arlena Voyage. Bien sûr, Arlena Voyage, 116 Faubourg Vanier à Orléans. Téléphone 02 38 62 13 49. Io non voglio pesce con un armio, quello è ecco. E come vuol dire che la fine su pasce o iusa. Ti chiede pa' Andrè, guarda quello meglio plago che asa. Quei mierchi di puto. E perché, mon bacito? Perché? Ricapa di perdere ton plago e non pa' mondo c'è la fianza. Allez, bacito, ça va che la bourreille. La pauvre fille de ma mère, oh y'a dans le château de la nuée. La pauvre fille de ma mère, oh y'a dans le château de la nuée. La pauvre fille de ma mère, oh y'a dans le château de la nuée. Enchaîne avec une valse signée Nathalie Bernard, mon Aveyron est en fête. Faire danser Rodez et Mio pour offrir toutes mes chansons à l'écho. Aller jouer les vieux airs du folklore dans tous les jolis petits villages que j'aime et que j'adore. Mon pays, jamais je ne te quitterai. Toi et moi, c'est pour toute la vie à jamais. Quand je regarde tes vallées et tu mens, je me dis que le bonheur sur terre est là en Aveyron. Un air d'accordéon, une chanson, une cabrette, mon Aveyron est en fête. Tous les danseurs, cœur contre cœur, s'élancent au son du musette. Quand viennent les beaux jours, dans tous les bals, musique en tête, mon Aveyron est en fête. C'est une joie d'être tous là, car on aime l'amitié chez les Aveyronnais. Accordéon, une une chanson, une cabrette. Mon Aveyron est en fête. Tous les danseurs, cœur contre cœur, s'élancent au son du musette. Quand viennent les beaux jours, dans tous les bals, musique en tête. Mon Aveyron est en fête. C'est une joie d'être tous là, car on aime l'amitié chez les Aveyronnais. Et on continue avec le folklore, pourquoi pas, avec les troubadours des Bruyères, ce sera Ma vieille maison. Dans ma vieille maison, blanche au toit gris, là-bas en Corrèze, c'est un paradis. Au cœur des bocages et des monts fleuris, toute mon enfance ressurgit aujourd'hui. Le vieux banc de pierre s'est un peu noirci, et devant la porte, le lièvre a grandi. Près de la vous que j'aimais tant. Dans ma vieille maison, blanche au toit gris, je ne sais pas ton âge, mais tu m'as séduit. Seul témoignage en toute modestie de la vie si sage des gens de ce pays. Eh bien oui, c'est l'heure maintenant de faire un point météo. Pour demain lundi, temps couvert, moins 1 le matin, plus 5 l'après-midi. Mardi, 6 le matin, 9 l'après-midi avec de la pluie. Mercredi, 3 le matin, 7 l'après-midi, temps couvert avec du vent. Jeudi, pluie avec 2 le matin, 6 l'après-midi, ça baisse un peu quand même, hein. Vendredi 4, pluie, 4 et 5 le matin, 7 l'après-midi. Samedi 3 le matin, 7 l'après-midi, temps couvert avec du vent. Et enfin dimanche, moins 1 le matin, 5 l'après-midi et des éclaircies. On va tâcher tout à l'heure d'avoir un direct pour la région centre, tout spécialement. Non, même pas pour la région centre, ça doit être pour le Loiret. On va essayer, hein, avec la chaîne météo. On écoute en attendant Nathalie Bernat. Et ce sera cette fois-ci Loup Branc Loup. Maintenant pour le domaine de Marcinval où se tient le siège social de Météoconsulte en direct des studios donc des Yvelines comme département. Et voici la météo de la région centre. Le temps d'établir la liaison. Et voilà, vous devez l'avoir. Eh bien, on ne l'a pas. Ce sera pour... on me fait signe que si. Chaîne 160, avec l'ensemble de nos chroniques, nos rubriques, nos journaux, nos programmes, découvrez la chaîne Météo, canal 160 sur Canal. C'est pas ça que je voulais, c'était la prévision météo. 230, avec un après-midi bien agréable, les températures sont en baisse par rapport à hier après-midi quand même. On attend 6 à Sancerre, 7 pour Saint-Amand, 8 pour Le Blanc ou encore 7 degrés à Orléans. Pour la suite, c'est-à-dire les séances à soirée, le ciel reste dégagé, mais très vite on sent la formation localement de quelques passages nuageux, de quelques petites brumes ici ou là. C'est surtout durant la nuit qu'on constate cette évolution et forcément les brouillards, tels qu'on les voit pour la matinée de lundi, sont souvent givrants en raison des temps. Moins 4 à Gien, moins 3 à Montargis, moins 1 à Chartres, par exemple, ou encore moins 2 pour Châteauroux. Et pour la suite, la grisaille, l'humidité s'en va, tout ceci s'assèche, mais les températures restent assez faibles, hein, bien sûr. 5 à Pithiviers, 6 pour Châteaudun et Vendôme, ou encore 6 degrés à Loches. Un autre point ici, ça sera tout à l'heure. Sonne en Auvergne, l'accordéon résonne en Corrèze, les oiseaux rechantent dans les vergnes, pour danser c'est mieux que la Marseillaise. et dans nos campagnes, on danse le folklore comme avant. Tous les samedis dans nos petits bars, il y a de l'entrain comme au bon vieux temps. La roue tourne, mais dans nos campagnes, on danse le folklore comme avant. Tous les samedis dans nos petits bars, il y a de l'entrain comme au bon vieux temps. La retourne, mais dans nos campagnes, on danse le folklore comme avant. Tous les samedis dans nos petits bars, il y a de l'entrain comme au bon vieux temps. La retourne, mais dans nos campagnes, on danse le folklore comme avant. Tous les samedis dans nos petits bars, il y a de l'entrain comme au bon vieux temps. Quand les cabrettes sonnent en Auvergne, l'accordéon résonne en Corrèze. Les oiseaux rechantent dans les vergnes, pour danser c'est mieux que la Marseillaise. Retourne, mais dans nos campagnes, on danse le folklore comme avant. Tous les samedis dans nos petits bars, il y a de l'entrain comme en bon vieux temps. Quand les cabrettes sonnent, c'était donc les troubadours des bruyères. Et l'accordéon, la musette est revenue, l'accordéon de nos régions également. Et puis, il ne faut pas oublier notre ami Berlaudio. Eh oui. C'est une tradition dans l'émission. Voici donc Berlaudio, le menteur. Et le menteur, Berlaudio. Puis alors, dites-donc, comme il picole pas mal, hein, l'autre jour, il s'est fâché avec sa bonne femme. Elle lui a dit, t'as qu'en vain. Si t'arrêtes pas de boire maintenant, mais t'es fini, je divorce. C'est bien simple. Je veux plus te voir rentrer sous comme un Polonais. T'entends-tu ce que je te dis? Bon, écoute, te fâche pas. Ma pauvre Berthe, faut pas te fâcher, je te jure que je boirai plus un verre de vin. J'en boirai 12. Non, mais il a pas dit ça, mais il l'a pensé. Une vieux coquin. Mais ça, il buvait plus, ah, dis donc, il buvait de l'eau, des jus de fruits, tout ça, sa femme, elle était contente. Mais lui, ça commençait à le travailler un peu. Puis les copains, ils ont dit, ben écoute donc, viens donc ce soir, là, on va faire un tarot. Oh ben oui, mais oh, les gars, attention, il ne faut pas de pitoyer. Non, non, on ne boira pas, allez, allez. Il dit ça à la Berthe, dis donc, soir, je vais jouer avec des copains au tarot. À cheval tuyol, mais n'oublie pas ta promesse. Ça va, Berthe, je t'aime, je l'ai juré, je ne boirai pas. Ou un jus de fruits, par-ci, par-là, et tout. Oh, mes pauvres enfants, à 4 heures du matin, il était saoul. Mes sous, mais mon Dieu, je comprends. Oh. Et ben, comme j'ai dit que je buvais plus avant, il m'en fallait 10 litres pour m'arranger, ma présente. 3 verres et puis s'il n'y a plus de goût. Oh putain. Oh non, mais j'en tiens une. Hein. Oh là là. Et il arrive devant chez lui, puis là, il a une belle clôture avec une grande grille. Ah, il est. J'ai foutu. Vous savez, vous ma clé. Je l'ai pourtant pas bu. Ah, je l'aurais senti passer quand même, hein. Dans le gosier, ça règne. Vous savez, j'ai foutu cette saloperie de clé. Ah, je l'ai pas, hein. Oh, ben tant pis, il va passer par-dessus, puis. Ah, ah, ah. Le blague, il essaye de sauter par-dessus la grille, Mais tu sais bien, au bout des grilles, il y a des machins pointus. Oh non, les gars. Paf! Dans l'occiput. En plein dans l'occiput. Ah oui, merde. Ah non, les yeux. Oh là là. Oh, et ça saignait, ils ont. Cette affaire. Nos yeux, pourvu qu'elle m'entende pas, la bête. Il rentre à la maison comme il peut. Il traverse la chambre en tatat mimi pour pas qu'elle l'entende. Il rentre dans la salle de bain. Dieu. Il se fout sur une chaise devant la glace à pharmacie. Il est là, Dieu, il ouvre la porte, il prend un pansement qui était là, il dit, bon, ben, mon Dieu. Il y avait de la veine que pour les sous-l'eau, il a dit, à Jean, je me serais cassé trois fois la gueule. Il arrive à foutre le pansement comme il peut. Il vient dans la chambre, il se glisse à côté de la berce. Elle l'avait pas entendu. Et il s'endort. Oui, mais le lendemain matin, la berce arrive. Réveille-toi. Didia, à quelle heure t'es rentré hier? Oh, ben, c'était pas tard, toi, hein? Vers les minuit, minuit, quoi, pas plus. Ah oui? Et t'as pas bu? Oh ben, alors ça, ah dis donc, alors non, moi j'ai pas bu, les autres, si, mais moi, alors là, je te l'avais promis, un jus de fruits, tu vois, jus d'abricot, des machins, ça empote un peu, mais j'ai pas bu autre chose. Menteur. Quoi? Tu me traites de menteur? Hein? Ah, t'as pas bu, toi? Non, j'ai pas bu. Tu pourrais le jurer que t'as pas bu? Oui, je pourrais. Oui, je pourrais, mais je le ferai pas. Je le ferai pas, parce que là, tu me vexes, t'entends, Berthe? Je suis vexé de même pas avoir confiance en ton homme. Eh ben, c'est pas beau, ce que tu fais là. Ouais, tu peux toujours causer, va. Ah, t'étais pas sous, toi? Non, j'étais pas sous. T'étais pas sous? Non, j'étais pas sous. Alors, veux-tu me dire un peu ce que c'est ce pansement que t'as foutu sur la glace? Au pays des volcans, Nathalie Bernard. J'ai une dédicace de la part de Gaëtan de Férol, près de Georgeau, pour la famille Roustin. Nathalie Bernard, donc, au pays des volcans. Et Gaëtan donne le bonjour, bien sûr, à Odile, qui se trouve chez son autre fille à Salbris, en Loire-et-Cher. Qu'importe l'hiver, quand on sait qu'au printemps, elles seront de retour, nos belles fleurs des champs. On a chanté, l'Auvergne et ses prés, sa flore mûra, l'Auvergne et ses bois, l'été dansant. Connaissent un succès qui reste inégalé. Arpajon, Vichy sont pour les gens d'ici. Des merveilles où abondent les richesses du monde. La nature et l'air pur nous font tourner la tête. Qu'on soit peu. Thank you. orchestre qui joue l'étoile troubadour de notre ami Roger Chy. Tu passes par la Corrèze, dans le chemin du bonheur. Roger Chy et Robert Monodière. Tu sentiras en ton cœur que la nature y est belle. Une étoile célèbre, l'étoile des troubadours, dans un petit coin de bruyère, une étoile est née pour toujours. C'est l'étoile des monnaies d'hier, c'est l'étoile des troubadours. Cette étoile brillera sur la terre, tant qu'il y aura des jours. Une étoile à la bruyère, c'est l'étoile. Quel beau serment d'amour, et ces brillantes corréziennes en ont versé des amants. Chanson nouvelle et ancienne, reflet d'un beau firmament. Dans un petit coin de bruyère, une étoile est née pour toujours. Cette étoile brillera sur la terre, tant qu'il y aura des jours. Une étoile dans la bruyère, c'est l'étoile des troubadours. Arc-en-ciel, arc-en-ciel, en harmonie, la FM en couleur, en couleur. Le comte rentre de la chasse. Qu'est-ce qu'il voit ? Sur le billard dans la salle de jeu du château, la comtesse en train de se faire trousser par un gueux, un manant, un train de patin. Oh, madame, mais qu'est-ce ? L'autre, il l'a regardé, il dit, mais il n'est pas content, vieux. Mais écoutez, madame, vous m'auriez trompé. Avec quelqu'un de notre monde, j'aurais pu le provoquer en duel. Mais ça, qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, ça vous dit merde aussi. Eh, allez donc. Mais écoutez, mon ami, je ne comprends pas votre attitude. Ah, vous comprenez pas mon attitude ? Mais je ne fais que suivre vos conseils. Ah bon ? Parce que c'est moi qui vous a conseillé ça. Mais je vous en prie, monsieur le comte, rappelez-vous, pas plus tard qu'hier... Est-ce pas vous qui m'avez dit que je pouvais donner tout ce qui ne vous servait plus ? C'était les troubadours des bruyères et c'était la bourrée des quenouilles. Et on va continuer toujours avec les mêmes, toujours avec les troubadours des bruyères. On va écouter Retour au chant. Je quitte le village demain matin au petit jour, car je veux vivre avec mon âge, âge d'argent, âge d'amour. Tous les grands bals sous les lumières, la ville donne à la beauté un charme rempli de mystère, de bonheur, de volupté. Le bon vieux sourit tristement et dit tout bas à son enfant, étoile qui brille, nos fleurs et nos filles, nos ruisseaux, le ciel bleu, le vent, l'oiseau qui s'envole, nos avoines folles, soleil d'or et lune d'argent. Valent les plus beaux songes, tout le reste est mensonge, le vrai bonheur est dans nos chants. Malgré le père, et ne rencontre que douleur. Les joies ici sont éphémères, comme les amours et les fleurs. Tous les soirs seuls après la fête, il revoyait son beau pays, sa promise, sa maisonnette, et son vrai bonheur compromis à la belle dans son chagrin. Il dédiait son doux refrain, étoile qui brille, nos fleurs et nos filles, nos ruisseaux, le ciel bleu, le vent, l'oiseau qui s'envole, nos avoines folles, soleil d'or et lune d'argent. Valent les plus beaux songes, tout le reste est mensonge, le vrai bonheur est dans nos chants. Et on continue avec une dédicace, c'est pour le plaisir personnel de Christiane à Saint-Jean-de-l'Orvel. On écoute, Le temps des fenaisons par Marc Michel. Où est passé le temps qu'on aime, celui bien sûr des fenaisons, où l'on ménageait pas sa peine, mais dans la joie et les chansons. Où est passé la belle saison de souvenirs si merveilleux, de raconter de mille façons, c'était celui des jours heureux, avec la faux sur l'épaule, on démarrait le bon matin, quelquefois même avant l'aurore, fallait tenir le soir loin.

dédicace. C'est de la part de Monique pour Christiane de Saint-Jean-d'Orval. On va écouter Sylvie Pulès, c'est un refrain d'Auvergne. Tout sucre, tout miel, elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. D'un ami, et c'est Nathalie Bernard. Sans comme hier les regards qui comparaient et moi froissés, chacun son histoire. Je m'en souviens, je n'ai rien oublié. Souvenir d'un ami, souvenir bien enfoui, d'éternelles vacances et de l'enfance où tout est beau, où tout sourit. Quelques miettes de temps quand on jouait les grands à courir sous le ciel, le cœur battant presque immortel. Le chemin de l'école, voyez nos courses folles, honte sur le perdant pour un instant. Le goûter partagé, chacun on s'en allait. Taquin, et à demain. Souvent je me revois un peu plus tard, quand la couleur est arrivée. Sur les photos de classe, tu es toujours là, même sourire ensoleillé. Aujourd'hui je cherchais ton regard dans mes souvenirs bien rangés. Je suis là, tu n'es plus chacun son histoire, mais tu es là dans mon cœur à jamais. Souvenir d'un ami, souvenir bien enfoui, d'éternelles vacances et de l'enfance où tout est beau, tout sourit. Quelques miettes de temps quand on jouait les grands à courir sous le ciel, le cœur battant presque immortel. Eh bien, nous, on continue, bien sûr, avec cette fois-ci Nicolas Violet, que j'ai reçu à Radio Arc-en-Ciel. Voilà, quelques temps, c'était avant le confinement, bien entendu. Et ce sera Vendange en Sancerrois.

la marche des troubadours par les troubadours des Bruyères. Je vais vous laisser quelques instants en compagnie de l'accordéon musette. Je reviens dans 3-4 minutes et on se va se dire bonsoir parce que le temps passe. À 15h30, je vous laisse en compagnie d'RDP en direct du Portugal. On se retrouve demain à partir de 14h pour Cocktail Coloré. Cocktail Coloré, quelques morceaux d'accordéon musette et des chansons. Bon, ben voilà, ça ne va pas démarrer. Alors comme ça, qu'est-ce que c'est que ce bazar là? Ben voilà, ça vient. bien, l'accordéon s'est arrêté tout seul, c'est automatique. J'ose dire. La vie est belle sur Arc-en-Ciel. Pour joindre la radio, appelle le 02 38 43 48 00. C'est canto avec Nathalie Bernand. Au décès de Georges Cantournet, Jean Cambon, l'ami Jean Cambon, a repris l'orchestre. Il était guitariste et chanteur. Et voici la fête à Lederg. L'orchestre Jean Cambon. Habitant des villages, aidez à mon voisin. Bonnes gens de tous âges et vous petits gamins. De Rodez ou Millau, de nos Célou d'Arvieux, d'Espagnon de Carmon, arrivez tout joyeux. C'est la fête à Lederg, à la Fabrèguerie. Et la fête à Lederg, c'est le bal des amis. On y chante, on y danse, des refrains entraînants. Au centre de la France, Lederg, c'est charmant. Savez-vous qu'il y a des gratons, des tribous, du jambon, du muscat, du vin mis, du vin doux. La cabrette à Léon va vous faire valser, et soumis le lampion, on dansera la bourrée. C'est la fête à Lederg, à la Fabrèguerie. Et la fête à Lederg, c'est le bal des amis. On y chante, on y danse, des refrains entraînants. Au centre de la France, Lederg, c'est charmant. C'est la fête à Lederg, aujourd'hui c'est gala. C'est la fête à Lederg, pour tous les Rouergas. Ce soir sous les lumières, on oublie ses ennuis. Car pour la nuit entière, on chante, on boit. Et on continue avec René Grolier, Petite Larme. bien voilà, ainsi je termine notre mission accordéon aux régions et un peu de musette. Pour ce jour, j'espère que vous avez passé un bon moment à ma compagnie, en compagnie de Radio Arc-en-Ciel qui renaît un peu de ses cendres, si j'ose dire. On ne sait pas pour combien de temps. En espérant que vous vous retrouvez bientôt. De toute façon, sauf catastrophe, je vous retrouve demain à partir de 14h pour Cocktail Coloré. Chanson et un petit air d'accordéon, bien sûr. Bonne soirée à tous et à toutes, puis à demain. Je vous laisse avec RDP International. Je ne vous dis pas au revoir, mais à bientôt, mais à bientôt. Si nous nous quittons ce soir, un peu trop tôt, un peu trop tôt. Il y aura d'autres musiques, d'autres bals, d'autres soirs de gala. On aura des nuits magiques, des bons jours et des bons soirs. Je ne vous dis pas au revoir, mais à bientôt, si nous nous quittons ce soir, un peu trop tôt, un peu trop tôt.